éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous revenons sur une femme qui a défié son époque. Quand on évoque le Moyen-Âge, on imagine rarement une femme au cœur du pouvoir. Pourtant, la femme que j'aimerais évoquer cette fois-ci, Aliénor d'Aquitaine, a traversé le XIIe siècle en refusant de rester à sa place. Héritière du duché d'Aquitaine, l'un des territoires les plus riches d'Europe, elle devient très rapidement un enjeu politique majeur. À 15 ans, elle épouse Louis VII et devient reine de France. Mais Aliénor n'est pas une reine silencieuse, elle s'implique dans les affaires du royaume, affirme ses positions et accompagne son mari lors de la deuxième croisade. Et le simple fait qu'une femme parte en croisade est déjà dérangeant pour l'époque. Le couple royal se fragilise, Aliénor parle, conteste, ne se conforme pas au rôle attendu. Le mariage est donc annulée. Elle épouse ensuite Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre, et devient reine une seconde fois. Ensemble, ils gouvernent un immense territoire, mais le pouvoir devient rapidement une source de conflits. Aliénor soutient ses fils lorsqu'ils se révoltent contre leur père, mais s'opposer au roi n'est pas sans conséquence, surtout lorsqu'on est une femme. Aliénor est emprisonnée pendant près de 16 ans. Cette captivité ne marque pas la fin de son influence. À la mort d'Henri II, Aliénor retrouve sa liberté et reprend pleinement sa place politique. Elle gouverne en l'absence de Richard Cœur de Lion, négocie des alliances, traverse l'Europe pour défendre les intérêts de sa dynastie. À plus de 70 ans, elle continue d'exercer le pouvoir dans un monde dominé par les hommes. Aliénor d'Aquitaine meurt en 1204 après une vie faite d'alliances, de ruptures, de contraintes et de choix assumés. Elle n'a pas seulement été l'épouse de deux rois, elle a été une actrice majeure de l'histoire médiévale, capable de défendre ses idées, de contester les règles et d'imposer sa présence sur la scène politique. Aliénor fut une femme de pouvoir, consciente de sa position et décidée à ne pas s'effacer.